Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Ton livre, je n'en dirai pas un mot, je te le promets. Cette formule, tout dépend de la façon dont on la prononce. Tout dépend aussi du degré de malveillance de celui qui en informe son interlocuteur. Et tout dépend de ce qu'en croit réellement cet interlocuteur. Illustration, un journaliste face à un autre journaliste, le second ayant le seul défaut d'avoir écrit un livre. Encore ça, c'est supportable, mais la suite ne l'est pas. Première diffusion sur Paris Inter, le 9 octobre 1961. Interview à peine imaginaire, une émission de Marcel Mitois, réalisée par Jacques Régnier. Aujourd'hui, Marcel Mitois interviewe le journaliste qui a eu un prix littéraire, interprété par M. François Perrier. Eh ben Charles, bonjour, quoi, tu ne me reconnais pas? La gloire t'a déjà tourné la tête. Pardon, mais c'est ce vieil Edmond. Salut, mon vieux, mais bien sûr que je te reconnais. Tu es bête. Tu peux pas savoir ce que c'est. Tu sais, la foule qui vous étouffe, des types qui vous interviewent, d'autres qui vous aveuglent avec des flashs, et au milieu de tout ça, des bonnes femmes qui vous demandent de dédicacer des bouquins en vous épelant des noms à coucher dehors. Ah vraiment, alors je suis content d'en être sorti. Tu peux pas imaginer la foire que c'est. Oh, voyons, Charles, j'étais... Il y a 15 ans que j'y suis. Il y a 15 ans que je fais ma chronique, le fourre-tout littéraire. Oui, je sais bien, oui. Ça me fait penser que je ne dois pas être loin de mon 100e compte-rendu de prix littéraire. Alors, tu penses si je la connais, la musique? Oui, mais moi aussi, je suis chroniqueur littéraire. Je savais comment ça se passait, mais je croyais savoir. Car lorsqu'on est de l'autre côté de la barricade, on s'aperçoit que c'est différent, tu sais. Mais alors, tout à fait différent, tu ne peux pas imaginer. Mais si. Ah non, c'est... Comment dire? C'est très agréable. Mais dis donc, Cachotier, tu ne m'avais pas dit que tu écrivais un roman. Et encore moins que tu concourais pour un prix. Tu aurais pu me l'envoyer, ton bouquin. Comment tu l'as perçu? Non. Oh, je suis sûr de t'en avoir dédicacé, hein. Je... Enfin, écoute, tout d'un coup, je m'affole. Je suis presque sûr. Non, tu sais, ces éditeurs sont très, très négligents. Et puis ça s'est fait tellement vite. Tu sais que j'ai écrit Le Cran d'Arrêt en 2 mois. Il a été édité en 1 mois. 8 jours après, il était envoyé aux membres du jury. 3 semaines plus tard, j'ai eu le prix. Je me fais pas d'illusions, d'ailleurs. C'est un coup de peau. Parce que c'est un livre que j'ai écrit comme ça. Oui, en effet. Oui. En 2 mois. Oui, mais ça, je te le dis à toi. On ne le répète pas. Dans ton papier écrit que je l'ai fait en 1 an. Ça fait tout de même plus sérieux. Enfin, j'ai hâte de lire ton Cran d'Arrêt. Oui, enfin, tu sais, ne t'attends pas à... Tout à fait d'entre nous, c'est pas formidable. Enfin, j'espère que tu ne seras pas déçu. C'est pas le rouge et le noir, hein. Oui. Oui, on m'a dit que c'était assez léger. Enfin, léger... Léger, faut pas exagérer. Non, vois-tu, moi, c'est pas ce que j'appellerais un livre léger. Quoi, évidemment, ça a l'air léger. Ça a l'air léger comme ça. Mais comment, il y a tout de même une trame souterraine, une histoire. Ah bon? Ah oui. Moi, on m'avait dit que l'histoire, c'était tout simplement celle d'un conte mérovingien que tu avais reprise et modernisé. Rien. On t'a dit ça? Mais alors, ça se sait. C'est dans les milieux littéraires, tout se sait. Oui, bien sûr. Ouais, enfin, toi, tu ne le dis pas dans ton fourre-tout, c'est pas la peine. Puisque tu n'as pas lu le livre, je vais t'en tracer les grandes lignes pour que tu puisses en parler à tes lecteurs. Ah, mais remarque, j'ai l'intention de le lire avant d'en parler. Oui, c'est gentil d'ailleurs, mais enfin, tout de même, j'aime mieux t'expliquer ce que j'ai voulu faire. Ce qu'a voulu faire l'auteur, ça compte, non? N'est-ce pas? Alors je vais te dire, voilà, c'est un livre où l'histoire n'a... En fait, l'histoire n'a absolument aucun intérêt, aucune importance. Tu comprends? Tout est dans la manière dont c'est raconté. Je crois qu'il y a un ton. Voilà. Tu vois, c'est ça. Il y a un ton. Remarque, je te dis pas ça pour me faire mousser, parce que tu penses entre nous. Depuis le temps qu'on se connaît. Non, je te dis ça parce que je crois que c'est ce ton que les membres du jury ont voulu couronner. Vois-tu, je crois que c'est par ce ton que le livre s'est imposé. Imposé. Enfin, au 15e tour. Parce que pendant les 14 premiers, ils n'en démordaient pas de leur de candidats. Hein. Oui. C'est même curieux, cette obstination. Pendant 14 tours, la moitié du jury a voté pour Le Fond de l'Abîme et l'autre moitié pour Les Cimes de l'Amour. Oui, oui. Pas une voix d'écart. Ah, ça, c'est rare, une telle obstination. C'est au 15e tour qu'ils t'ont enfin déniché pour sortir de l'impasse et faire une sorte de majorité. Ah oui, ah, bah oui, ça, oui, ça, moi, j'ai eu la majorité. Une voix. Une... Comme tu le disais tout à l'heure, un coup de pot. Enfin, du pot, il faut rien exagérer non plus. Dieu sait si je ne pense pas avoir écrit un chef-d'œuvre. Tu me crois, au moins. Oh oui, bien sûr. Vraiment, c'est pas pour dire, mais des trois livres qui étaient en compétition, c'est quand même le mien le meilleur. Moi, franchement, tu vois, t'as pas l'air convaincu. Si. J'ai pas lu le tien. Hein? J'ai lu les deux autres. Eh ben alors, les deux autres, comment les trouves-tu? Non, mais franchement. Franchement? Oui. Bon. Surtout les cimes de l'amour. C'est vraiment une sorte de petit chef-d'œuvre. Il y a là-dedans, comme je l'écris dans mon article d'ailleurs... Mais tu fais le papier sur qui alors? Ben, sur les trois livres. Ah bon? Sur les... Mais les deux autres n'ont pas eu le prix pourtant. Ben justement, c'est pour les consoler un peu. Eux, ils vont tirer à 5 000. Toi, avec la bande du prix, tu feras sûrement du 80 000. Tu crois vraiment? Mais voyons, c'est classique. Écoute, Edmond, il y a une chose que je voudrais te demander entre collègues. Il faut bien s'entraider. Hein. Mais naturellement, dis, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je sais que ton journal ne publie presque jamais de photos. C'est vrai. Bah, comme je te connais, ça me ferait plaisir justement que tu obtiennes qu'il passe la mienne. Je sais, tu vas dire c'est un peu de vanité, mais... Oh. Je vais te dire, en fait, c'est vis-à-vis de mon journal à moi. Ce serait bon, tu comprends? Tu crois que... Me voyant, ça fait pas un pli. Ils mettront ta photo. Ils mettent bien celle des deux autres. Je vois pas pourquoi ils ne mettraient pas la tienne, d'autant que tu as eu le prix. Mais enfin, entre nous et moi, c'est pas mauvais que je l'ai eu, ce prix. Jamais de la vie, non. C'est bien. Je te sens un peu réticent. De quoi as-tu peur? De la critique? Ah, ben ça, forcément, la critique. Ah oui? Tu crois? Attends-toi au pire, je te préviens parce que tu es un copain, mais réfléchis une seconde. Tous les critiques ont tellement soutenu les deux autres pour le prix que forcément, ils vont lire ton livre d'un œil pointu. Ils vont m'éreinter, hein? Au fond, tu crois que pour le bien du livre, il aurait mieux valu que j'ai pas le prix? Pour le livre, oui, peut-être. En tout cas, pour ta carrière. Si tu veux en faire une, sûrement. Remarque que c'est de la faute de ton éditeur. Il n'aurait pas dû envoyer ce... Comment tu l'appelles déjà? Ah oui, ce cran d'arrêt au jury. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que toi, qui as une aussi grande expérience que moi des milieux littéraires, tu te sois laissé faire. Bah oui, mon vieux, oui, je sais, mais que veux-tu, c'est tentant tout de même, c'est pas un premier livre. Mais justement, un premier livre, on sait ce que c'est qu'un premier livre. Mais tu l'as pas lu. Mais un premier livre, c'est toujours un premier livre, c'est toujours ennuyeux pour une carrière, on vous juge là-dessus. Non, alors tu crois que je n'aurais pas dû le faire éditer, que j'aurais dû, disons-le, garder le manuscrit dans mon tiroir? Mais lis-le, mon vieux, je t'assure, il n'est pas si mauvais que ça, tout de même. Mais je suis sûr que c'est charmant. Ce qui est dommage, c'est que tu l'aies fait éditer, que tu aies eu un prix. Tu comprends, un premier livre, c'est un premier livre. Tu vas recevoir une volée de bois vert, de nous tous, dans les journaux. Et ça va te marquer dans le milieu littéraire, ton milieu, quoi. Dans le milieu littéraire, peut-être, mais si le public aime mon roman, s'il me suit... Le public, c'est très secondaire. Ce n'est pas le public qui fait la carrière d'un écrivain, c'est nous. Non, tu vois, Charles, tu m'aurais demandé conseil, je t'aurais dit amicalement, Charles, ce premier livre ne le montre pas. Moi, vois-tu, Dieu sait si j'en ai écrit des romans, et Dieu sait si je les trouve meilleurs que toutes les cochonneries qui sortent en ce moment. Eh bien, est-ce que j'en ai un d'édité? Non. Enfin, il faut bien commencer par en donner un. Je ne sais pas. La sagesse, vois-tu, c'est de ne pas commencer du tout. De pas... Non, c'est une question de volonté, d'empire sur soi-même. Allez, va, mon pauvre Charles, ne fais pas cette tête. On l'oubliera, ton prix. Tu crois? C'est grave, mais ce n'est pas dramatique. Écoute, je vais faire quelque chose pour toi. Oui. Ton livre, je n'en dirai pas un mot. Ce sera toujours ça. Et puis je vais tout de suite téléphoner au journal pour qu'ils ne parlent pas trop de ce prix. En tout cas, fais-moi confiance, je vais les supplier de ne pas passer ta photo. Ben là, merci, mon vieux, tu es chic. Mais non, voyons. Ah, si. Ne me dis pas merci entre confrères, c'est bien normal. Si on ne se rendait pas de petits services, où irait-on? C'est bien simple, il n'y aurait plus de milieu littéraire. C'était Interview à peine imaginaire. Une émission de Marcel Mitois, réalisée par Jacques Régnier. Aujourd'hui, Marcel Mitois interviewait le journaliste qui a eu un prix littéraire, interprété par M. François Perrier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 9 octobre 1961. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. L'Humanité, Le Figaro, François. Des travailleurs ont le droit de savoir. Carboneur et phosphate, Rio, Tinto. La princesse portait un nouveau chapeau. Zizi placé 17, gagnant 22.